Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue dans les locaux de la Ligue des droits de l'homme pour cette conférence de presse. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On vous propose comme ordre dans les prises de parole qu'on s'attarde d'abord aux événements récents dont a été victime Nikki, ici présente avec son avocat Olivier Stein. Ensuite, on entendra un autre témoignage de violence policière qui s'est déroulé il y a quelques mois et dont a été victime une avocate qui défendait des Afghans rassemblés dans un bâtiment qui était évacué par la police. Et c'est l'avocate Maître Hélène Crocard, ici présente, qui va témoigner sur ces faits-là. Et alors, au nom de la Ligue des droits de l'homme, je brosserai un tableau un peu plus général sur l'évolution ces dernières années des violences policières en essayant d'en tirer certains enseignements et surtout un cri d'alarme. On va aussi visionner quelques images qui ont été concoctées, enfin en tout cas mises sur ordinateur cette nuit, qui sont peut-être un peu à l'état brut, mais on espère pouvoir vous transférer aussi des images des événements récents. Voilà, je passe la parole à Olivier Stein. Merci Alexis. Peut-être signaler, je ne sais pas si c'est déjà fait, que Damien qui est présent peut se charger de la traduction vers l'anglais. So if you speak English, Damien can make the translation. Ok, ça semble pas trop nécessaire. Dire aussi que on espérait pouvoir vous présenter des images où on vous dirait à chaque minute ce qu'on avait vu sur les vidéos. Malheureusement, c'est le travail de Magali et de Ben cette nuit qui a permis de les avoir, mais on vient en fait de recevoir les dernières des vidéos. Donc il y en a certaines qu'on n'a même pas encore visionnées complètement. Donc on ne sera pas en mesure de vous dire exactement ce qu'il y a sur chacune, mais au moins on dispose maintenant de beaucoup de vidéos avec des angles tous différents sur la scène qui permettent de comprendre bien ce qui s'est passé. Certaines où on voit même la préparation de l'action, on voit le départ même jusqu'au camp. Je voudrais dans un premier temps quand même passer la parole à Nikki si elle avait quelques mots à dire, elle est quand même présente. Donc. Nikki, if you want to say something. Damien, si tu ferais peut-être la traduction pour Nikki. Damien, tu ferais peut-être la traduction pour Nikki. Merci. Okay, about what happened, I think it's known. We have the pictures. Thank goodness we have 5 cameras with us. Donc par rapport à ce qui s'est passé, je trouve que c'est bien que maintenant on ait les images et c'était génial qu'on ait 5 caméras avec nous. It was without provocation. All that he's saying, provoking him, spitting him, was lying, and it's pathetic, I think. Donc c'était tout ce qui s'est passé, c'est passé sans provocation. Tout ce qu'il a dit par rapport au fait que je lui aurais craché au visage ou craché en sa direction, c'est bien sûr tout un mensonge. And the other policemen were there, we can see in the videos, they were violent as well and complicit in the way that it was all in front of them and they didn't react, they did nothing. Donc concernant ses collègues qui étaient présents, les autres policiers présents sur la scène, ils étaient tous ils ont tous été assez violents et complices d'une certaine manière car ils n'ont absolument pas réagi à ce que leurs collègues me faisaient. Well, about the police in general, how they reacted after our announcement. Et concernant la police de manière générale, la force de police, de la manière à laquelle ils ont réagi après qu'on ait déposé notre plainte. I find it really hypocritic. I don't know if you know about the other incident with the Spanish guy from the march. Who was arrested and kept in commissary for 2 days just because he had a t-shirt with the word Indignados. Je trouve que c'est très hypocrite le discours qu'a tenu la police ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un de nos camarades espagnols d'une des marches qui a été détenu pendant 48 heures dans un commissariat simplement pour avoir porté un t-shirt qui disait indigné. I see police violence against me, against friends, against many other people, much worse than the violence in my case. J'ai vu de la violence policière un certain nombre de fois dans ma vie, et des violences souvent bien plus intenses que celles dont j'ai été victime. And as there's no videos, no publicity, no one's everybody ignores them. Nobody does anything about it. Et seulement parce qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'attention, personne ne les écoute, tout le monde les ignore. So I denounced this policeman in general, in concrete, but in the police Belgique in general as well. Donc je dénonce ce policier en particulier, mais également les forces de police belges de manière générale. The goal is to create fear to people so that they will not get out to manifestate, to organize. Le but de ce comportement est de créer de la peur chez les gens pour qu'ils n'aient plus envie ou plus le courage de manifester. I hope that this hypocritic image they want to have, I hope it j'espère will que be an end to it. Oui. An end to it. J'espère qu'il y aura une fin prochaine à cette posture hypocrite de la police. Donc, je vais poursuivre ce que Nikki a dit, en précisant que depuis que l'affaire Nikki a débuté, je reçois maintenant très souvent des appels, enfin j'en ai reçu 4-5, mais j'étais même déjà contacté auparavant à ce niveau, par des gens qui me téléphonent en me disant « moi aussi j'ai été victime de violences policières, Nikki a de la chance ». Alors c'est un peu choquant de le présenter comme ça, mais en fait, Nikki le comprend aussi, que c'est une chance que les images aient été filmées, parce qu'on sait bien ce qui lui aurait été dit sinon. Et notre souci est de montrer qu'il ne s'agit effectivement pas d'un événement isolé, loin de là, mais d'une attitude générale. Alors pour revenir sur la façon dont un climat a été créé, je pense que c'est important de voir comment dans ce type de situation, il y a effectivement un climat où les policiers traitent les personnes qui ont l'intention de manifester comme des ennemis dès le départ. Dans le cas des manifestations No Border qui ont eu lieu il y a quelque temps, les gens avaient même été arrêtés préventivement en violation de toutes les règles légales. Les indignés, c'était la même chose. Il suffisait de les trouver rassemblés à 3 dans le quartier pour qu'aussitôt, il y ait une dizaine de policiers qui les encerclent. Et tout ça a contribué au fil des jours à créer une situation de tension. Et donc, on ne peut pas présenter l'aboutissement de cette tension comme un événement isolé, mais bien comme l'aboutissement d'une politique de tension délibérée. Alors, il y a beaucoup d'images qu'on va pouvoir vous montrer, souligner peut-être quelques éléments qui nous ont paru vraiment importants. Ben d'abord, que ces images, on a 5 angles différents qui permettent tous de voir l'action depuis son début jusqu'à sa fin. On voit Nikki souriante à la préparation de l'action, on la voit partir paisiblement, on la voit entrer dans la banque, on voit des indignés même expliquer aux gens de la banque que ce n'est pas contre eux, que c'est contre un système financier en général et qu'ils ne doivent pas se sentir visés personnellement. On voit l'arrivée des policiers et on voit que ce policier qui nous est présenté comme isolé agit en fait avec les autres policiers, on le voit leur donner des ordres. Et on voit une scène qu'on retrouvera pour vous, même si malheureusement je ne peux pas vous donner le minutage, mais non. On voit même certains des policiers qui, au moment où ils commencent à intervenir, on en voit un en particulier qui enlève son brassard pour le glisser dans sa poche. Alors quelle est l'idée dans le fait de cacher qu'il est policier? On y reviendra peut-être par la suite, mais c'est tout de même préoccupant. On verra aussi plusieurs fois dans les images des policiers s'approcher de l'homme aux cheveux blancs qui a mis le coup de pied au visage à Nikki et les coups suivants. On verra des policiers s'approcher de lui, lui parler à l'oreille et lui leur donner des ordres ou les envoyer s'acquitter de l'une ou l'autre tâche. On voit aussi que le coup de pied, entre autres, est bien donné au milieu d'un groupe de policiers qui ont tous, et vous le verrez sous des angles nombreux, le regard tourné vers ce qui se passe et qui ne semble pas être choqué par ce qui se passe ou trouver qu'il y a des raisons de réagir. Vous aurez même une vidéo dont je peux vous donner déjà les références parce qu'elle est entre-temps sur Internet, où le chef de la police est ensuite interrogé devant la porte de l'ADEXA et dit « Non, à mon sens, il n'y a pas eu de problème dans cette intervention. » C'est celle qui est dans mon dos, effectivement. Alors, je vais revenir à tout ça, mais j'avais ouvert la question « Qu'est-ce qui serait arrivé si la situation avec Nikki n'avait pas été filmée ?» Eh bien, tout simplement, on nous aurait dit que les policiers n'étaient pas identifiables. On l'a déjà vu dans de nombreuses autres situations. On sait très bien que c'est ce qui se serait passé. On aurait peut-être même été jusqu'à dire que Nikki s'était fait ça elle-même en se donnant des coups contre les murs ou en tombant par terre. Et quand j'affirme cela, c'est parce que dans l'affaire Shakir, qui a quand même donné lieu à une condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce qui s'est fait. Et concernant un sans-papier à propos de laquelle la Ligue des droits de l'homme avait effectivement aussi fait un communiqué de presse, ce monsieur, il est monté dans un fourgon qui devait l'emmener à l'aéroport. Il en est sorti complètement en sang et on explique qu'il s'est fait ça lui-même. Il a juste été jusqu'à se fouler les muscles de l'épaule en se tordant sans doute délibérément les bras dans le dos juste pour embêter les policiers. Et aucun d'entre eux, ni même le chauffeur du wagon, ne se souvient de ce qui s'est passé. Donc ils ont vu entrer un homme en très bon état. Il est ressorti très gravement blessé, mais personne ne se souvient de ce qui s'est passé. Ça ne les a pas marqués. C'est que ça doit arriver souvent, je ne sais pas. Alors, voilà, Alexis parlait d'un cri d'alarme. C'est vrai parce que, de nouveau, j'aime pas trop ce terme de chance autour de Nicky, mais c'est malgré tout ça qu'on est obligé de dire. Pourquoi ? Parce que 2 semaines avant le cas de Nicky, ben, j'avais un homme en train de pleurer dans mon bureau avec le visage en sang, mais il n'y avait aucun moyen de démontrer que c'était bien la police qui était responsable de ça. Et donc très souvent, en tant qu'avocat, on se retrouve démunis face à des gens qui viennent nous parler de violence policière, et on se retrouve finalement le dernier maillon du système à expliquer aux gens que finalement, ça ne sert pas à grand-chose d'aller plus loin, ce qui est quand même vraiment déplorable comme situation. On sait que le comité P s'est vanté d'avoir une diminution des plaintes, et il voit là une diminution des violences policières. Donc on comprendra bien que quand on voit l'inefficacité du comité P, on a une bonne piste sur pourquoi le nombre de plaintes a diminué. Donc je pense que ça, c'est un raisonnement qui est quand même important. Donc maintenant, on va revenir exactement sur les faits qui concernent Nicky. On a un policier qui s'excuse, qui reconnaît les faits et qui s'excuse, mais qui invoque un crachat que Nicky aurait fait dans sa direction. Bon, ben, vous verrez sur les images, c'est faux, c'est on ne peut plus faux. Ça peut paraître satisfaisant intellectuellement parce qu'on ne peut pas imaginer un tel déchaînement de violence sans qu'il y ait une justification, quelque chose qui se soit passé avant. Et pourtant, on le voit sur les images, il ne s'est rien passé avant. Et je pense que ça en dit long sur ce policier, ça en dit long sur son attitude, ça en dit long sur l'attitude qu'il a eue au cours de ses 15 années d'ancienneté. Donc ça fait 15 ans qu'il se trouve dans la police, ça fait 15 ans que, semble-t-il, son attitude ne leur a pas posé problème jusqu'ici. Et maintenant que pour une fois on a des images filmées, là, il y a effectivement un problème. Donc cette attitude n'a pas posé problème avant. On voit des policiers qui assistent aussi à la scène et qui ne semblent pas choqués par ce qu'ils voient. On voit bien que c'est ici la vidéo qui a fait la différence. Alors, quelque chose qui nous a encore plus troublés, c'est d'entendre dans la presse que la police se défend en expliquant que le policier n'était pas en service. Alors, je vais imaginer les hypothèses. Hein. Soit on nous ment, il était en service, et dans ce cas-là, c'est juste une tentative un peu limite pour essayer de se disculper de ce qui se passe. Soit c'est pire, et ils ont raison, il n'était pas en service. Et alors quoi ? Il entre dans une banque pour intervenir, il donne des ordres à toute une série d'autres policiers, il tabasse à l'intérieur même de la banque, il donne un coup de pied en pleine tête, et tout ça, pas en service, entouré de policiers qui, eux, quoi, ils ne sont pas en service non plus, c'est une milice. Donc, quand on entend la police tirer argument du fait que le policier n'aurait pas été en service, on ne comprend pas très bien quel est le raisonnement. Mais on sent malgré tout quelque chose que je trouve particulièrement inquiétant et que je mets en lien avec le fait que, sur cette vidéo qu'on vient de découvrir il y a quelques instants, on voit entre autres un des policiers enlever son brassard. Je pense qu'on voit à l'extérieur de la banque une série de policiers qui, eux, sont clairement identifiables, et à l'intérieur, certains policiers qui sont effectivement dans l'habit traditionnel de policiers, et un groupe de 5-6 qui gravitent effectivement autour de cet homme aux cheveux blancs, qui, eux, n'ont aucun d'entre eux un brassard. Alors, est-ce qu'ils étaient aucun d'entre eux en service ? Est-ce que c'est un groupe pas en service qui intervient quand les autres sont en service ? On ne comprend pas bien, mais c'est sûr que, finalement, puisqu'on nous dit cela, eh bien, on serait prêt à entendre davantage d'explications sur la question parce que ça nous interpelle tout particulièrement. Vous verrez aussi, pour traduire un petit peu cette attitude de la police, qu'il y a bien sûr d'autres policiers qui se sont montrés violents et que c'était loin d'être un cas isolé. Dans les autres personnes qui gravitent autour de cet homme aux cheveux blancs, on en voit asseoir une fille en l'attrapant par les cheveux, ce qui est une bonne façon de faire asseoir les gens. On en voit plusieurs autres donner des coups, moins forts effectivement, mais on les voit se montrer violents également. On en voit aussi un adresser un bras d'honneur à la caméra, ce qui traduit aussi toujours cette attitude vis-à-vis des manifestants qui étaient là et qui avaient une attitude très pacifique. L'écrit, c'était « No violence ». Donc, ça vous traduit un petit peu ce qui se passe. On voit aussi sur les images Nicky qui fait partie des gens qui marchent pour sortir de la banque. Donc, c'est même des manifestants qui ont obtempéré aux ordres des policiers de sortir de la banque. Et au moment où les policiers ont laissé sortir les 30 premières personnes, ceux qui avaient le malheur d'être les 6 derniers dans la file se sont retrouvés arrêtés, mis par terre, menottés et pour certains d'entre eux, tapés. Alors, je suis toujours dans cette perspective de montrer qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Quand je vous parle de Shakir contre Belgique, c'est une affaire dans laquelle la Belgique a été condamnée pour torture, mais pas seulement pour ça. Il faut aussi dire qu'ensuite, le ministère public a choisi de demander le non-lieu, et qu'ensuite, quand c'est arrivé devant le juge, on vous a expliqué que le juge était malade pendant les 5 années qui ont permis d'arriver à la prescription. Je pense que ça traduit un certain cadre sur ce qui se passe dans ce pays quand on tente de parler de la police. Une autre méthode de la police, et je voudrais tout de même le souligner, parce que quand on va l'expliquer devant les juges, ça ne leur paraît pas toujours être une évidence, or on le voit souvent dans la pratique, c'est la méthode qui consiste à tabasser une personne et ensuite l'accuser de rébellion. Comme ça, on justifie a posteriori les coups qu'on a portés. Donc je pense à l'affaire du CAS, il y a peu, il y a beaucoup d'étudiants qui rapportaient entre autres des violences après quand ils avaient été emmenés dans cellule, ou des violences au moment où ils avaient été arrêtés, des étudiants qui avaient mené une action très pacifique également. Des vidéos aussi où on ne voyait effectivement aucune violence des manifestants, un peu plus de violence de la part des policiers, puis une personne tabassée en cellule. Le ministère public juge nécessaire de poursuivre des étudiants qui sur aucune des vidéos ne se sont montrés violents, mais on ne juge pas nécessaire de joindre le dossier d'un policier qui a tabassé sévèrement un des manifestants dans la cellule, alors que les deux affaires semblent présenter un lien immédiat. Alors on entend des déclarations de principe, on a même maintenant Mme Turtelbaum qui nous dit qu'elle est scandalisée, mais d'habitude on voit toujours les politiques sortir tout un arsenal législatif dès qu'il y a des situations comme celle-là, mais je pourrais déjà leur faire une première proposition que consisterait dans un premier temps, c'est une toute petite demande, à respecter la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça pourrait déjà être une première bonne idée. On a par exemple un arrêt récent, Ristovi contre Bulgarie, très récent, qui prévoit que les policiers doivent toujours être identifiés ou identifiables. Ce problème d'identification est essentiel, et la Bulgarie a été considérée comme violant les droits fondamentaux des personnes dès lors que les policiers agissaient sans être identifiables parce qu'ils n'avaient pas de numéro de matricule. Donc il y a de nombreuses situations où ça pourrait nous aider. Alors je conclus en parlant des quelques pistes qui nous restent. On espère, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore cité directement le policier devant les tribunaux, nous espérons que le souci de transparence va être réel et qu'il va y avoir aussi une enquête complète sur tous ces policiers qu'on voit autour, qu'on voit assister à la scène. Mais vous le verrez sous de nombreux angles. Il est flagrant que ces personnes étaient en cercle autour de Nicky, qu'ils ont tous assisté au coup de pied, qu'ils n'ont pas été choqués, qu'ils ont même permis à cet homme ensuite de traîner Nicky un peu plus loin sur le sol pour encore lui asséner d'autres coups. Donc on pense qu'il y a une responsabilité de toutes ces personnes qui ont été tout autour et assisté à la scène, et on aimerait avoir toute une série d'explications supplémentaires. C'est pour ça qu'on espère que l'enquête va se poursuivre. Il est bien évident que si on devait constater qu'il y a un manque de volonté de faire la lumière sur cette affaire, eh bien alors on serait forcé, nous, de citer directement le policier responsable devant les tribunaux pour qu'on ait au moins justice sur une petite part de ce qui s'est passé. Mais ce serait vraiment dommage parce qu'on pense qu'il y a une responsabilité de la justice de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé, y compris l'espèce de, on va la qualifier de milice puisqu'il n'était pas en service, de policier qui était autour de l'homme aux cheveux bleus. Voilà. Merci Olivier. Merci, bonjour à tous. Je vais pour ma part me concentrer sur des faits qui se sont déroulés le 16 juin dernier, donc le 16 juin 2011, dans le cadre d'une occupation de sans-papiers, pour la plupart en cours de demande d'asile, des sans-papiers d'origine afghane, qui occupaient de manière tout à fait légale d'ailleurs un bâtiment à Ixelles. C'est un bâtiment qui leur avait été prêté par la commune, puisque le fait d'asile ne respectait pas son obligation de prise en charge de ces demandeurs d'asile qui étaient à la rue en hiver. Et donc nous avions négocié avec la commune d'Ixelles pour que la commune d'Ixelles mette à disposition ce bâtiment, qui est un bâtiment public, qui appartient donc à l'État fédéral. Et voyant que leur dossier n'avançait pas, ils ont entamé une grève de la faim fin mai. Et à la suite de cette grève de la faim, l'État tout de suite a pris des mesures pour que ces personnes puissent être expulsées du bâtiment, alors que ce bâtiment leur avait, comme je viens de le rappeler, été prêté. Et donc ils logeaient dans ce bâtiment de manière tout à fait légale. Donc le 16 juin 2011, la police se présente très tôt le matin pour les expulser. Je suis appelée sur place directement, ainsi que l'autre avocate avec laquelle je travaillais sur ce dossier, Maître Zriken. Nous arrivons sur place et nous constatons que certains de nos 85 clients sont arrêtés de manière administrative et de manière tout à fait arbitraire, parce qu'à ce moment-là, on ne sait absolument pas pourquoi ces 15-là et pas les autres, puisqu'ils étaient tous dans la même situation administrative. On apprendra par après, ou en tout cas la police nous expliquera par après, que ces personnes, lorsqu'elles ont été arrêtées, n'avaient aucun document d'identité sur elles, et pour cause, on ne leur avait pas laissé le temps de prendre leur document d'identité dans leur sac. Donc c'est une expulsion qui s'est faite de manière très rapide, assez violente, d'autant plus que ces personnes étaient en grève de la faim depuis plus de 15 jours, et donc elles étaient très faibles, elles n'avaient aucune possibilité de marquer une opposition physique envers les policiers qui étaient en train de les expulser. Donc à partir du moment où tous se sont retrouvés dans la rue, 15 d'entre eux ont été embarqués dans des fourgonnettes et la police à ce moment-là refusait de me communiquer les noms des personnes qui venaient d'être arrêtées. Ces personnes, certaines d'entre elles, séjourneront en centre fermé pendant plus de 2 semaines, d'autres seront relâchées le jour même. Et à partir du moment où tous les autres se sont retrouvés dans la rue, eh bien tout simplement ils ont cherchaient à obtenir des informations et ils voulaient principalement obtenir des informations sur le sort qui serait réservé à leurs camarades qui venaient d'être arrêtés. Et ils voulaient surtout récupérer leurs affaires qui étaient restées à l'intérieur du bâtiment parce qu'au moment où les policiers ont procédé à l'expulsion, ils leur auraient promis qu'ils allaient pouvoir récupérer ensuite leurs sacs. Il faut savoir que c'est des gens qui ont évidemment très peu de moyens et leurs affaires, c'est tout ce qu'ils ont ici en Belgique et c'est souvent simplement un sac à dos avec quelques vêtements, une couverture et leurs documents administratifs, puisque certains allaient être convoqués au CGRA dans les jours qui suivaient. Donc c'était très important pour eux de récupérer tous ces documents. Alors il y a un des occupants en particulier qui s'appelle Mustapha, qui a cherché donc à pouvoir obtenir des informations et à ce qu'on lui dise pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas récupérer ses affaires. Et à ce moment-là, malheureusement, il y a 3 policiers qui s'en sont pris à lui et qui l'ont fortement violenté. Il a été poussé au sol et il sera ensuite emmené dans une fourgonnette. Et quand il en sortira, donc il a été arrêté. Et quand il sera relâché, il était couvert de coups. Alors, par chance, nous avons également des vidéos de ce qui s'est passé juste avant qu'il soit enfermé dans cette fourgonnette. Bien évidemment, ce qui s'est passé dans cette fourgonnette, eh bien, on ne le sait pas. Et la police semble nous expliquer aussi que Mustapha se serait probablement cogné lui-même à la porte de la camionnette. Et alors que Mustapha était maîtrisé et donc violenté, j'ai tenté d'intervenir et j'ai moi-même reçu un coup qui, celui-là, était moins volontaire que les coups portés à Mustapha, mais il n'empêche que c'est un coup. Donc j'ai été moi-même témoin dans un premier chef et victime ensuite de cette violence policière le 16 juin 2011. Alors, je voudrais préciser plusieurs choses. D'abord, on parle, quand on entend ce terme violence policière, on pense directement à la violence physique. Il n'y a pas que la violence physique, il y a également toute la violence psychologique, les moqueries, les provocations, les injures, qui dans le cas d'espèce étaient en plus des injures raciales, qui donc interviennent en même temps que la violence physique. Et à la suite de ces violences policières, eh bien, très souvent, on assiste à des arrestations et à des détentions qui sont elles aussi arbitraires. Dans le cas d'espèce, l'enquête est en cours, mais il semblerait, je le mets avec des guillemets, qu'il n'existe aucun procès-verbal d'arrestation de cet homme, donc de Mustapha. Donc on attend d'en savoir plus et surtout d'avoir accès au dossier, puisque pour l'instant, nous n'avons pas accès au dossier. Et alors, comme je l'expliquais, ce sont 3 hommes qui ont été particulièrement violents. Mais comme dans le cas de Nicky, il y a toute une série d'autres policiers qui sont présents sur place. Ce jour-là, il y avait 50 de policiers en tout. Tous n'étaient pas présents de manière directe lors de cette scène en particulier, parce que certains étaient à d'autres endroits dans la rue. Mais il y avait au moins 10 de policiers qui étaient autour et qui ont pu voir cette scène, ainsi que des journalistes qui ont filmé cette scène. Et quand on s'est adressé à eux pour demander qu'ils communiquent le nom des policiers qui avaient été directement impliqués, eh bien, on s'est royalement moqué de nous en disant que de toute façon, ils n'avaient absolument rien vu, qu'il était hors de question qu'ils témoignent, qu'ils nous donnent le nom des policiers directement impliqués. Et en plus d'avoir été témoins des moqueries que subissaient donc nos clients ce jour-là, nous-mêmes, nous avons également fait l'objet d'insultes et de moqueries. Alors, pour vous citer un exemple de moqueries, de pressions psychologiques et d'injures raciales qui ont eu lieu ce jour-là, bien, c'était donc, comme je l'ai dit, des demandeurs d'asile d'origine afghane, pour la plupart de confession musulmane, qui étaient en grève de la faim et à la suite donc de l'arrestation de Mustapha, pour marquer leur indignation, ils se sont couchés sur la rue, empêchant le trafic de circuler, et 2 d'entre eux ont fait un malaise. un malaise que nous avons jugé tout de suite très sérieux, d'autant plus qu'ils étaient en grève de la faim depuis 15 jours. Et à ce moment-là, on nous a même indiqué que ce n'était absolument pas nécessaire d'appeler des ambulances, puisque c'était probablement un malaise qui était simulé, tout comme leur grève de la faim, et que c'était un peu la même situation lors du Ramadan, qu'ils simulaient le fait de ne pas manger, mais qu'en réalité, ils s'empiffraient dans des fast-foods. Donc ça, c'est le type de provocation auquel on a dû faire face ce jour-là. Alors, il y a un élément aussi particulier dans ce dossier, c'est que ce jeune, Mustapha, eh bien, comme je l'ai rappelé, il est sans papier. Et donc, il y a énormément de nos clients étrangers sans papier qui sont victimes de violences policières et qui n'osent pas porter plainte, soit parce qu'ils n'ont aucune image et donc aucune preuve de ce qui s'est passé, de ce qui leur est arrivé, et d'autant plus parce qu'ils sont en statut administratif précaire et que donc ils ont peur des conséquences qu'une plainte pourrait avoir. Alors, à la suite donc, de ces événements, il y a une plainte qui a été déposée, une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction qui a été déposée par Mustapha, et moi-même, j'ai introduit une plainte auprès du comité de paix. Les deux plaintes ont été jointes. J'ai été auditionnée donc, par l'inspection interne de la section de police de Bruxelles. Et donc, les images parlent d'elles-mêmes. Je pense qu'on pourrait éventuellement vous les transmettre. Malheureusement, je ne les avais pas mises sur clé USB aujourd'hui. Et donc, on attend de voir les suites qui seront données à cette affaire. Pour la petite histoire, et parce que c'était plutôt une bonne nouvelle, la plupart de ces 85 demandeurs d'asile ont entre-temps été régularisés, mais pas Mustapha, puisque quand il est sorti, après les faits, quand il a été libéré, il est depuis complètement traumatisé et il a refusé de continuer à faire partie de ce groupe que l'on défendait et pour lequel on négociait. Donc les autres membres du groupe ont été régularisés au mois de juillet, mais lui-même a refusé catégoriquement qu'on introduise une demande de régularisation en son nom, parce qu'il était tellement traumatisé qu'il nous a indiqué que finalement les faits qu'il avait vécu dans son pays d'origine, en Afghanistan, étaient graves, mais ce qu'il avait vécu en Belgique l'était aussi, et que donc il n'était pas certain de vouloir rester en Belgique. Voilà. Merci Hélène. Alors, les violences policières, en fait, sont aussi anciennes que l'existence de la police. La police en aurait dit autant, mais c'est toujours aussi inacceptable. Le premier constat qu'on est forcé de faire par rapport à ces policiers fautifs, je dirais de manière un petit peu simpliste, c'est de dire qu'ils se tirent en réalité une balle dans le pied. Pourquoi ? Mais parce que à la Ligue des droits de l'homme, on rappelle quand même qu'il y a ce principe de légitime confiance que la population a dans sa police. Le rôle de la police, rappelons-le, c'est, dans une démocratie, le rôle de la police, c'est de garantir les droits fondamentaux et la sécurité des citoyens. Et quand on voit ces événements tels qu'ils sont relatés, et on pourrait continuer l'énumération, eh bien, ces policiers fautifs, ils violent ce principe de légitime confiance qu'on est en droit d'attendre. Le deuxième constat que nous faisons à la Ligue des droits de l'homme, c'est que ces violences policières, loin d'être des cas isolés, quelque part dans le pays, d'un policier fautif, un rote apple, comme a été dit au Parlement lors des débats parlementaires qu'a donné lieu les événements récents visant Nicky, au Parlement, on a parlé d'une pomme pourrie qui ne peut pas troubler l'image de la police. Eh bien, loin de ce constat, je dirais, où on essaye de minimiser en disant c'est un individu qui disjoncte, eh bien nous constatons au contraire que de plus en plus, lors de rassemblements, et donc de plus en plus à Bruxelles, capitale du pays, capitale de l'Europe, qui évidemment draine par sa fonction des rassemblements, des manifestations, eh bien c'est que ces violences policières se passent de plus en plus lors de rassemblements et de manifestations, et nous en tirons un constat alarmant, à savoir la criminalisation des mouvements sociaux et de la contestation sociale, ainsi qu'une mise à mal de la liberté d'expression. On a eu aujourd'hui un exposé du cas de Nicky, et effectivement, simple constat, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu ces images ? Il y a l'exposé des Afghans que Hélène Crocard nous a raconté, avec une ministre de l'Intérieur qui, au Parlement, n'ose plus nier, comme elle l'avait fait dans d'autres affaires, en minimisant, en disant qu'il n'y avait pas d'éléments à charge. mais qui minimisent en disant c'est un élément isolé, c'est inacceptable, on a suspendu. Dommage qu'à l'occasion d'autres événements, quand elle a été interpellée par des questions parlementaires, elle n'ait pas eu cette franchise-là, notre ministre de l'Intérieur. Et on peut énumérer, et permettez-moi d'énumérer quelques cas de l'histoire récente, et je vais énumérer des cas qui remontent à il y a 2-3 ans, pas parce que, pour revenir avec des histoires anciennes, mais parce que c'est intéressant, elles arrivent aujourd'hui devant les juges, et on voit comment les juges réagissent par rapport à ces événements, et on a le recul du temps. Et puis l'autre petit groupe d'affaires, ce sont des affaires qui se sont passées maintenant, avec le fameux défi qui sera donné à la justice, de savoir comment ils vont répondre à ces cas-là. On peut parler du dossier de M. Fosso et de M. Folefac, pour ceux qui s'en souviennent, 26 avril 2008, c'est l'expulsion d'un sans-papier qui est conduit du centre fermé vers l'avion, on le met dans l'avion et des passagers se révoltent. Pour ceux qui ont vu le film Illégal, une scène du film Illégal est inspirée de ce fait réel. Des passagers se révoltent de la manière dont on traite ce sans-papier, ils se font débarquer violemment de l'avion, enfermés dans un cachot, subissent des violences, en particulier M. Fosso, citoyen français, et M. Folefac, qui était le candidat réfugié dégoûté qu'on voulait rapatrier, son rapatriement est échoué, dans la camionnette qui le ramène au centre fermé, il est tabassé, des coups violents dans l'estomac, dans la cage thoracique, et il dépose plainte à l'arrivée au centre fermé de Merxplace pour coups et blessures auprès de son assistante sociale et une lettre à la direction. Nous avons eu trace de ces plaintes écrites, une de la main de son assistante sociale, une de sa main à lui, seulement parce que 3 jours après, quand on lui annonce une troisième tentative de rapatriement, il se suicide dans les toilettes de Merxplace, et que dans le dossier administratif, nous trouvons trace du fax envoyé du centre fermé à l'Office des étrangers avec cette plainte pour ces violences policières. Il y a une plainte avec constitution de partie civile qui est déposée par M. Fosso et les deux autres personnes débarquées de l'avion, et à cette plainte se joint la famille de M. Folefac, qui est disparu donc, pour les coups et blessures qu'a subi leur fils et leur frère. Je raconte ça parce que le 15 novembre prochain, dans 15 jours, l'affaire vient devant la chambre du conseil et le parquet demande un non-lieu, absence de charge. Alors que nous avons des témoignages, nous avons la plainte écrite de M. Folefac, de son assistante sociale, qui travaille comme assistante sociale du centre fermé, qui n'est pas, hein, comme on pourrait dire, quelqu'un d'une ONG ou d'une association qui va faire une plainte ou prendre la plume de manière complaisante. Non, c'est quelqu'un de l'administration. Donc nous avons des éléments objectifs et le parquet requiert un non-lieu en disant absence de charge. À ce stade-ci de la procédure, il ne faut même pas de preuves. Il suffit d'avoir des charges pour renvoyer les policiers devant le tribunal correctionnel et là on va juger s'ils sont coupables ou non. Et donc à ce stade antérieur, on est déjà en train de dire non, il n'y a rien, absence de charge, non-lieu. Autre événement, nos borders, l'année passée, on en a parlé, une limitation clairement des droits fondamentaux des personnes rassemblées, des manifestants, avec un nouveau phénomène. Et à force de banaliser la limitation des droits fondamentaux, on croit que c'est normal, mais c'est quand même, à l'occasion de ces rassemblements nos borders, la première fois qu'on voyait à grande échelle des arrestations préventives. Donc il n'y a pas encore le moindre reproche à faire à des personnes qui se rassemblent, sauf l'idée qu'ils vont se joindre à une manifestation européenne planifiée, qu'on se dit on va arrêter des dizaines de personnes préventivement, les priver de liberté, les menotter. Donc nouvelle création dans les pratiques de police belges, c'est des arrestations préventives. Alors, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre sur le cas de nos borders. Je vais parler d'un autre cas qui a été jugé. C'est avec un confrère aussi défendant des sans-papiers, où je suis personnellement appelé au palais de justice le 29 avril 2008 au soir, parce que 150 sans-papiers ont été arrêtés lors d'une manifestation qui se passe devant l'Office des étrangers, et tout le monde a été transféré dans les caves du palais de justice. Un rassemblement se crée devant le palais de justice, et à force de négociations, le bourgmestre de Bruxelles autorise 2 avocats à rentrer dans les sous-sols du palais de justice pour rencontrer les sans-papiers et s'assurer que leur détention se passe correctement. Avec un confrère, nous sommes 2 avocats à rentrer. La police qui nous accueille, donc on est 2 face à 15 policiers, nous dit avant d'avoir accès aux cellules. Vous allez d'abord disperser et renvoyer tous les manifestants. Il y avait 400 manifestants dans la rue Duaynans et le palais de justice chez eux. Mon confrère Vincent Lurquin, pour ne pas le nommer, dit que ce n'est pas le rôle des avocats de disperser une manifestation et que même si on voulait les disperser, on n'y arriverait pas, qu'on n'a pas de lien avec les manifestants. Nous, on a été appelés professionnellement pour exercer notre métier d'avocat et aller voir les sans-papiers. Et là, ça dégénère. On est poussé vers la sortie. J'entends encore Vincent Lurquin dire « Ne nous touchez pas, nous sommes avocats ». Ça a suffi de faire en sorte que les policiers sortent leur matraque, s'acharnent. Moi, j'ai été poussé contre un mur, une matraque dans le dos, les mains sur le mur, les pieds écartés, en disant « Bouge pas, toi !» Parce qu'évidemment, le tutoiement est de rigueur à ce moment-là. « Bouge pas, bouge pas !» Mon visage collé sur le mur, et je voyais la scène où on a éjecté mon confrère de ce local avant de refermer la porte blindée, à coup de matraque. Donc je vois le policier qui donne le coup de matraque, j'entends après son nom, etc. Et donc je suis témoin des violences, il y a un certificat médical après parce que Maître Lurquin a dû aller se faire soigner, il y a un certificat médical objectif qui objectivise les coups. Nous déposons plainte, pourquoi? Parce que nous avons été voir le bâtonnier, et après discussion avec le bâtonnier, on s'est dit ce qui s'est passé est inacceptable. S'ils font cela à deux avocats, ça veut dire qu'il ne faut pas se demander ce qu'ils font à des sans-papiers qui, eux, n'oseront peut-être pas déposer plainte. Donc nous décidons de déposer plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction. Nous sommes interrogés par le comité P. Je suis confronté aux policiers. Je suis confronté en line-up aux policiers et je reconnais le policier qui a donné le plus de coups de matraque à mon confrère. Je le reconnais à 100%. Nous sommes devant la chambre du conseil et là, réquisitoire de non-lieu du parquet avec un procureur du roi qui pointe un doigt accusateur aux deux avocats, donc à Maître Lurquin et moi, en disant « Et vous avez beaucoup de chance de ne pas être poursuivi vous-même pour rébellion. » Ça illustre que quand il y a un dossier avec des éléments objectifs, malgré tout, on arrive à retourner la situation. On dit, et là, qu'est-ce qu'on dit? La policier ne pouvait pas nier avoir utilisé de violence, mais ils ont minimisé en disant « Si on avait utilisé un coup de matraque, ça aurait été bien plus grave. » Donc ils ne disent pas qu'il n'y a pas eu de violence, mais ils disent qu'ils ont utilisé la force nécessaire. Et donc voilà, l'affaire a été enterrée au palais de justice, comme je crains que l'affaire précédente dont je vous parlais, Fosso et Folefax, sera enterrée le 15. Il y a eu non-lieu ou bien il y a eu une ordonnance de non-lieu une ordonnance de non-lieu prononcée par la Chambre du Conseil avec une condamnation aux dépens, à savoir 2 x 625 € que nous devons payer aux policiers. Et pour la petite histoire, comme ça vous savez tout, nous avons négocié en disant on va rester là parce qu'on se rendait bien compte qu'on n'avait rien à attendre de la justice et on a vendu notre renonciation d'aller en appel contre l'abandon des frais de justice. Donc on ne doit pas payer les 1 400 € aux policiers et en échange, nous, on a dit qu'on n'allait pas en appel. Le risque, si on allait en appel, évidemment, c'est qu'au lieu de payer 1 400 €, on aurait dû payer 2 800 € de frais aux policiers si on perdait de nouveau. Et donc on a préféré arrêter les frais à ce stade-ci. Voilà. Mais donc, autre cas qui fait penser étrangement à celui de Nicky, c'est ce jeune Chilien lors du festival Steen Rock au mois de juin 2011. Sur le chemin du festival, il se fait interpeller et là, on voit la police sur les dents parce qu'il y a des gauchistes qui vont se rassembler dans le champ en face du centre fermé pour un concert rock et l'interpellation dégénère complètement. J'ai envie de dire de manière un peu crue qu'il a eu moins de chance que Nicky, qui, malgré la violence du coup, n'a pas perdu ses dents, mais lui, il a perdu toutes ses dents, enfin 3 dents, et sa mâchoire a été brisée à plusieurs endroits parce qu'il a eu un coup de matraque extrêmement violent dans le visage immédiatement, un peu de la même manière que le coup de pied, comme ça, un coup de matraque en plein visage, et quand il témoigne, il dit qu'il a senti ses dents bouger toutes d'un coup, il y en a 3 qui sont tombées, et la mâchoire a été brisée. Alors, plainte avec constitution de partie civile a été déposée. Ce dossier, pour l'instant, est un peu bloqué suite à un problème belgo-belge d'emploi des langues. Et donc, on espère que la justice arrivera à surmonter ce problème d'emploi des langues avec une plainte en français et des policiers néerlandophones, et que ce ne sera pas l'écoulement du temps qui va faire que les preuves rapportées, les témoignages réunis vont perdre leur force probante. On pourrait continuer, si vous en voulez encore, Stéphane, un sans-abri de la gare centrale, qui le 24 janvier 2011 quand on lui demande de quitter la gare, alors qu'il est présent dans la gare, on lui demande violemment de quitter la gare et il est victime de violences policières. Une plainte avec constitution partie civile a été déposée parce que nous remarquons aussi que des personnes fragiles, on a parlé des sans-papiers tout à l'heure, mais des personnes sans-abri, qui n'ont parfois pas d'autre endroit, d'endroit où aller que se réunir dans une gare ou dans un lieu public, font l'objet de violences lorsqu'on leur donne des injonctions. Olivier Stein a parlé des étudiants de l'ULB, je ne vais pas y revenir, mais pour dire que là aussi, dans l'exercice de droits fondamentaux que sont la liberté d'expression, que sont la liberté de rassemblement, que sont, je dirais, l'expression d'une solidarité peut-être enthousiaste, ce sont des étudiants, avec une surréaction des policiers, et c'est institué dans le contexte où il y avait la régularisation des sans-papiers qui était annoncée depuis plus d'un an par le gouvernement et Mme Turtelbaum qui ne sortait pas sa circulaire, des rassemblements ont complètement dégénéré par une surréaction de policiers tout à fait inacceptable. Alors, tous ces faits que je viens de vous énumérer sont commis par des policiers formés. Dans leur programme de formation à l'école de police, et on le dit que ces policiers reçoivent une formation pour justement ne pas péter un câble ou pour ne pas disjoncter, parce que ce sont évidemment des femmes et des hommes. Moi, je dis toujours des femmes et des hommes, mais entre nous, je n'ai pas encore vu vraiment de violences policières commises par des femmes, mais il y en a peut-être que je n'ai pas vu d'ensemble. Mais c'est principalement des hommes qui réagissent, qui surréagissent comme ça et qui se rendent coupables de violences policières. Je referme la parenthèse. Dans ces écoles, dans l'école de police, on devrait leur enseigner que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a fait part officiellement de sa préoccupation sur l'usage excessif de la force lors de manifestations en Belgique. On devrait également leur parler de l'arrêt Shakir, qui remonte à 2009. C'est quand même pas si ancien que ça, c'est 2009. Hein. C'est assez rare que la Belgique est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, quand on voit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et quand la Belgique se fait condamner par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est à chaque fois la manière dont on traite l'étranger qui vient demander l'asile ou le sans-papier, et je pense par exemple à l'enfermement des enfants dans les centres fermés, ou alors des violences policières. Très souvent, les condamnations visent ces matières-là. Il n'y en a pas beaucoup, donc on pourrait, dans les programmes de formation de la police, s'y attarder pour mettre en garde. L'affaire Shakir, c'était de nouveau c'était l'absence de poursuite. C'est le fait que la justice ne fait pas son travail. Outre le côté inacceptable des violences policières, l'enseignement très intéressant de l'arrêt Shakir, la condamnation de la Belgique, c'est l'écoulement du temps dont la justice se rend coupable dans l'enquête pour arriver à des non-lieux. Hein. Non-lieux, c'est dire vraiment, il n'y a même pas de charge, hein. On n'a même pas d'éléments pour faire un procès. Donc ça, une proposition très concrète, c'est que la police, lors de leur formation, soit davantage formée pour tout ça. Alors, pour conclure, je dirais, ben, individuellement, je pense que c'est un peu court de dire c'est le rotten apple, la pomme pourrie, et il faut l'écarter, la suspendre, comme le dit notre ministre de l'Intérieur. Je pense qu'individuellement, il faut une action concrète, et il y a les outils pour ça. Il y a l'inspection interne de la police qui peut mener à des sanctions disciplinaires, suspension. Ici, le policier est suspendu pour Nicky, mais le jeune Chilien... Ça ne nous rassure pas beaucoup, puisque de toute façon, il n'était pas en service quand il a agi. Pour le jeune Chilien... Manifestement, ils interviennent dans les manifestations sans verre. Madame Turtelbaum a été interpellée après le jeune Chilien qui s'est fait massacrer par la police et le policier est identifié. Il n'y aurait pas assez d'éléments pour une suspension, donc ce policier n'a eu pour l'instant aucune suspension. Il y a le comité P, mais le comité P, c'est davantage pour le fonctionnement de la police et pour recommander... donner des recommandations de fonctionnement de la police. Et il y a surtout, le pilier peut-être le plus important, c'est la justice. Ce sont des crimes et délits qui sont commis par des policiers. Ils doivent être jugés. Et donc, la justice doit faire son travail. Le parquet doit poursuivre dans le dossier comme celui de Nicky. Ils peuvent soit saisir un juge d'instruction. On est parti pour 2 ans d'enquête avec une audience en chambre du conseil dans 2 ans et un procès correctionnel dans 3 ans. Ils peuvent aussi citer directement s'ils estiment qu'ils ont suffisamment d'éléments. Ils peuvent citer la semaine prochaine ce policier devant le tribunal correctionnel directement avec ses collègues pour non-assistance à personne en danger, ou alors s'il y avait un supérieur à côté, le commissaire, eh bien il y a le principe du spectateur approbateur. Si les supérieurs à côté n'ont pas réagi, il y a la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux pour dire le principe du spectateur approbateur qui finalement, par son silence coupable, encourage des dérives de ce type-là. Donc la justice doit faire son travail et ce sera un bon test pour voir si au parquet on prend ses responsabilités et qu'on ose aller au bout des choses dans les poursuites. Ça individuellement et deuxièmement, globalement, il faut un changement au sein de la police face à ce constat où on voit que de plus en plus ce sont ces mouvements sociaux et la contestation sociale qui est visée. Un responsable politique de Bruxelles me faisait part, suite aux événements d'une manifestation qui avait été réprimée dans la violence, que le problème auquel ils étaient confrontés était que ces forces de police et ces brigades de police étaient constituées de policiers qui venaient de loin, de l'extérieur de Bruxelles, et qui venaient souvent pour un an ou deux ans travailler à Bruxelles dans ces brigades anti-manifestation avant d'avoir un poste dans leur police locale quelque part ailleurs en Belgique. Ce sont souvent des jeunes policiers qui sont là dans leur parcours pour un an, deux ans avant d'accéder à d'autres fonctions, qui ne connaissent pas la capitale, qui de l'endroit où ils viennent n'ont peut-être pas l'habitude de voir des manifestations en faveur de sans-papiers ou en faveur d'un monde social plus juste, etc. Et sont souvent, et je répète la conversation que j'ai eue, gonflés à bloc en se disant « on va casser du gauchiste, on va casser ces manifestations ». Et ils sont dans cet état d'esprit-là. Et quand je vois la manière, quand moi j'étais personnellement témoin de ce qui s'était passé dans les sous-sols du palais de justice, quand mon confrère avait été jeté dehors, un de ces policiers qui venait du fin fond de la Flandre, du Limbourg, je pense, à un moment donné, il y avait un policier qui devait rejoindre de l'extérieur vers le palais de justice, il y avait 400 personnes qui criaient « libérer les sans-papiers », il s'est posté avec sa grande matraque derrière la porte blindée en disant « chef, tu peux ouvrir la porte, il n'y a personne qui va rentrer ici, je suis là ». Il prenait des attitudes, je dirais, dignes d'un film de Rambo. Et effectivement, il y a peut-être un problème avec ces brigades de police qui sont envoyées pour une mission difficile et qui ne sont donc pas à la hauteur. Et c'est ça, donc, par rapport au raisonnement du « globalement », car n'oublions pas qu'il y a des instances internationales, comme le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui a pointé la Belgique pour ses violences policières, et il est temps qu'on en tire l'enseignement qui s'impose. Merci beaucoup. Pour compléter ce que Alexis vient de dire, dans le cas que je vous avais cité de M. Bitchem qui s'est tordu le bras tout seul et s'est tabassé la tête tout seul dans une camionnette prétendument, il y a aussi eu un non-lieu et l'affaire est en appel en ce moment. Et alors remercier quand même Ben et Magali qui ont rassemblé les images pour vous. On fera en sorte d'essayer de les diffuser, peut-être les mettre sur le site de la Ligue, peut-être les mettre sur le site du cabinet, le site des indignés, enfin partout où on pourra les mettre, pour vous les rendre accessibles aussi vite que possible. Elles sont là déjà maintenant, donc ceux qui auraient des clés USB, on pourrait même les leur donner tout de suite. Voilà. On voulait aussi vous présenter un film qui a été fait, un montage en fait, à partir des différentes images qu'on a pu rassembler de l'action Adexia qui s'est passée le mercredi 12. C'est un film qu'on aimerait bien vous montrer parce qu'on n'a encore jamais pu montrer vraiment le contexte, le but et la manière dont s'est déroulée l'action. Tout ce qui a été su, c'est qu'il y avait tabassage. Les seules images qui ont été jusqu'ici relayées à la presse sont les images des coups eux-mêmes. Vous avez peut-être pu apercevoir quelques images en plus de nos vidéos brutes qu'on pourra effectivement mettre à disposition, en tout cas certaines parties d'entre elles. Mais voilà, un travail qui a été fait assez important, c'est pour ça que ça a pris un petit moment pour pouvoir apparaître. Et c'est un montage d'à peu près 13-14 minutes sur l'action en elle-même qui explique le but et la raison d'être de l'action. Voilà. Beaucoup des choses que j'ai expliquées ne s'y voient pas, mais elles sont surtout les rushs qu'on va devoir rassembler. Beaucoup de vidéos, on vient de les obtenir il y a quelques minutes, donc Ça ne figure pas encore sur cette vidéo-là, mais c'est déjà sur les vidéos suivantes. Ouais.